À l'occasion du 40e anniversaire de la publication de l'œuvre classique du président Kim Il-sung, Thèse sur l'enseignement socialiste, la cérémonie d'ouverture du 3e séminaire national pédagogique a eu lieu le 4 septembre à l'école normale supérieure Kim Hyong-tik. Y ont pris part les cadres, les enseignants et les chercheurs de plus de 120 unités d'activité de tout le pays, comme le comité de l'enseignement, le centre d'études pédagogiques, l'université Kim Il-sung, l'université de technologie Kim Tse et l'école secondaire numéro 1 de Pyongyang. Au séminaire divisé en sections de l'idée et de la stratégie d'enseignement, en sections de la théorie pédagogique et en quatre autres sections de l'application pédagogique, seront présentées plus de 460 dissertations de valeur.